frère. Oh, elle est coursée celle-là. Ah, celle-là elle est dure, mon pote, grave. Tu l'as ramené d'où le tabac? Frère, Dubaï le tabac, mais va doucement, on a encore toute la nuit devant. Ok. Fume ta chicha. Rien à faire, ça se taille au salon. Un beret d'été, un coup de briquet sur le charbon. Amar, Amar, Dawar, Dawar, fait tourner. Saveur orientale, tu connais. Vinta, chicha. T'as décidé de passer une soirée au fichal. Dans le quartier c'est mort, alors tu t'ambiances pour une chicha. T'as sorti le tabac, parfumé à la pomme. Une pincée de seum pour que ça t'assomme. Fume ta chicha. Semaine. On en ressent le besoin, le week-end ou la semaine. Oshi, chaboy, oshi, chaque heure j'passe le CLM. On se tue la santé, Allah wa'alem. Fume ta chicha. Ok, elle te relaxe quand le chantier te casse le dos. J'en ai même déjà vu mettre du sky à la place de l'eau. C'est pour les gros qui savent piquer l'aluminium. Au plaid t'en trouveras des mini minions. Fume ta chicha. Et celui de Dubaï. Choisis ton parfum pour enfumer tout l'entourage. C'est pour les jeunes, les darons moustachus qui smoke. Je ramène la mienne, on se retrouve dans le bloc. Fume ta chicha. Ok, ambiance Marrakech, Oran. Mon flow c'est un torrent. Touche pas à ma chicha, tu vas te manger du courant. Elle est devenue une coutume, frère. Elle brille sous la lune quand je la fume au clair du bitume. Fume ta chicha. Y'a comme un coup de réglisse dans la bouche des poteaux. Comme un début de migraine dans les cerveaux. Pas de stress, fais tourner comme la manette à PES. Ça chauffe comme la braise. Fume ta chicha. On joue pas dans la même cour, arrête de crapoter. En pleine inspiration jusqu'à en avoir des points de côté. Ça fume, ça pompe, pompe, it up. Rajoute 2-3 charbons jusqu'à l'or. Fume ta chicha. Yeah, El Matador. Une chicha pas faite pour 100 personnes mais pour nos poumons. Ça pour nos poumons. Jamal, Lemine. Yeah. Fume ta chicha, mon frère.